Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 11 aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée concernant les États-Unis qui ont soumis le problème des droits de l'homme dans notre pays à l'ordre du jour du Conseil de sécurité de l'ONU. En voici le résumé. Les États-Unis et les pays satellites ont tenu la réunion ouverte du Conseil de sécurité de l'ONU pour délibérer de force le problème des droits de l'homme dans notre pays. Nous condamnons catégoriquement la nouvelle campagne des droits de l'homme contre notre République au sein de l'ONU comme menace hostile scélérat contre nous. Les États-Unis ont fait appel à la machine à voter sans égard à la charte de l'ONU et à l'opposition de nombreux pays pour le soumettre à l'ordre du jour du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui est un affront et une profanation à l'égard de l'ONU et de ses pays membres. En fait, plusieurs pays membres du Conseil s'étaient opposés à la discussion même de ce problème, ce qui traduit la position unanime de la majorité des pays en voie de développement, refusant de délibérer à l'ordre du jour le problème des droits de l'homme au Conseil de sécurité de l'ONU. Au sein de l'ONU existent de façon évidente les conseils par sujet, comme celui des droits de l'homme. Toutefois, les États-Unis ont soulevé le problème des droits de l'homme dans notre pays au Conseil de sécurité de l'ONU, qui n'a aucun rapport avec les droits de l'homme. Cela montre que le Conseil de sécurité est régné du diktat, du despotisme, de l'arbitraire, et qui se moque de la charte de l'ONU et du droit international. La réalité montre de nouveau que le Conseil de sécurité de l'ONU est dépourvu de sa propre mission de se charger de la paix et de la sécurité du monde et qu'il est dégénéré en Conseil général et en Conseil multilatéral au service des États-Unis et que sa réforme est devenue l'impératif imminent de l'époque à ne plus remettre. Bien que le valet d'Obama qui va démissionner de façon honteuse a mis en cause notre prestige suprême au Conseil de sécurité de l'ONU pour ternir l'image extérieure de notre République et fomenter l'atmosphère de pression contre notre République, c'est une grande erreur de penser que cela sera de mise chez nous et dans d'autres pays. Nous ne tolérerons point la campagne des forces hostiles autour de la campagne des droits de l'homme contre notre pays et la mettrons en pièces par la riposte ultra-dure et résolue.